Vendredi 29 mars 2012, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours dans ses regards qu'on porte vers le 9e art. En route également, on le mentionne d'entrée de jeu vers une petite pause la semaine prochaine puisque ce sera le Radioton de CKRL émission édition 2013. Une occasion évidemment de montrer votre attachement envers la station en étant généreux puisqu'il s'agit d'une campagne de financement incontournable. Et donc ce qui fait que La vie en BD, on est bien content, c'est une bonne raison, une belle raison de prendre une pause, mais on sera de retour donc le vendredi 12 pour une émission toute spéciale puisqu'on sera bonifié de 30 minutes à l'occasion du 26e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc on aura le plaisir de vous offrir une émission pas en direct des studios de CKRL, non, mais en direct du Centre des congrès du Salon international du livre de Québec, qui est le lieu qui héberge une partie de la programmation du festival. Alors notez ça tout de suite à vos agendas pour donc le 12 avril prochain. Mais évidemment, ça c'est dans l'avenir, carpe diem, donc de quoi va-t-on parler ce soir? Eh ben, on l'a mentionné, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec s'en vient très très bientôt, c'est du 10 au 14 avril, alors on aura le plaisir de passer un bout de temps ce soir avec le directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté, pour faire un survol justement de tout ce qui s'y passe. Également, ben, dans les activités parallèles, il y a notamment une exposition à la thématique assez sympathique du côté de la librairie Phylactère qui va commencer le 1er avril, ça s'appelle Retrospace. Et il y a deux de ces artistes BDistes participants qui vont faire un tour ici à l'émission pour nous présenter tout ça. Alors Miguel Bouchard et Richard Villeneuve, ce sera en fin d'émission. Également les commentaires BD d'Anne-Marie Côté. Sinon dans l'actualité BD, deux petits clins d'œil, notamment les personnages emblématiques de Franquin, Gaston Lagaffe et le Marsupilami en tête, reviennent en Belgique. Dupuis, filiale du groupe Média Participation, a annoncé avoir racheté le 15 mars dernier la société monégasque Marsu Productions, qui était propriétaire des droits d'exploitation des personnages du dessinateur depuis 86 pour le Marsupilami, depuis 1993 pour Gaston. Eh ben voilà, donc Dupuis ira récupérer ces personnages-là, et à peu près 150 titres quand même là, qui ont été publiés par Marsu Productions autour des séries comme Marsupilami, Marsuki, Pids et Gastoun. Alors ben voilà, donc on verra qu'est-ce qui va en ressortir. Et ben, puisqu'on parle également de personnages incontournables, faisons un clin d'œil à Uderzo et Goscinny, puisque eh ben le titre du prochain Astérix a été dévoilé. Alors, ça s'est passé au Salon du Livre Jeunesse de Bologne. Ça s'appellera Astérix chez les Pictes. Et donc, évidemment, ben, Astérix ira faire un tour chez les Pictes. Reste à voir ben, qu'est-ce qui se passera et pourquoi le héros gaulois ira faire un tour chez ce peuple qui vit dans ce qui est devenu aujourd'hui l'Écosse du Nord et de l'Est. Alors, voilà pour ces clins d'œil. On part en premier extrait musical. La formation qui nous accompagnera aujourd'hui s'appelle Goober, toujours disponible en téléchargement via Bandcamp. On écoute un premier extrait, Harold. Et voilà donc petit extrait de la formation Gobor. Et je vous rappelle que les émissions de La Vie en BD sont disponibles pour téléchargement sur notre blog lavieenbd.wordpress.com. Et on l'a mentionné d'entrée de jeu, c'est un peu incontournable. Enfin, on a l'impression que tout le milieu de la BD, à Québec du moins, est en mode décompte en route vers le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Il y a énormément d'activités, à peu près, j'ai presque envie de dire, à peu près tout le monde du milieu de la BD à Québec est mis à profit d'une manière ou d'une autre, en exagérant un brin, évidemment. Mais donc, c'est toujours une programmation assez alléchante qui nous est offerte. Et on trouve important, ici à La Vie en BD, mais de prendre toujours un petit temps pour, justement, survoler tout ça. Et pour le faire, ben, qui de mieux placé que son directeur général, Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Alors, prêt au marathon, j'imagine, là, il reste quoi, 2 semaines à peu commencé. Près? avec quand même... D'emblée, beaucoup d'activités, ça va dans beaucoup de sens également. Je pense que c'est un peu à chaque année, c'est la même chose. Oui, c'est une programmation très variée. Là. Oui, mais de chaque année, à chaque année, on tente d'avoir de plus en plus d'activités, une variété plus grande aussi, de plus en plus de lieux d'accueil. Donc, cette année fait pas exception. Je veux dire, au Salon du Livre seulement, on a près de 85 activités autour de la bande dessinée qui sont présenté, que ce soit des tables rondes, des rencontres d'auteurs, du dessin en direct, des projections et tout. Et à l'extérieur du Salon du Livre, on a un nombre à peu près équivalent si on compte tous les activités, les expositions. Donc, il y a pas moins de 12 expositions qui sont présentées dans différents lieux à Québec, plus les spectacles d'impro BD, la soirée cosplay et tout le reste. Donc, ça fait pas mal de choses. Et je le dis tout de suite parce qu'évidemment, on va esquisser un portrait de tout ça, mais il y a la programmation elle-même, là, de l'événement qui détaille un peu l'ensemble avec également des planches et le reste. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre la main dessus, de A, pour avoir toute l'information, et de B, pour profiter aussi de tout ça. Et Thomas-Louis, on peut le mentionner, en fait, c'est un peu une invitation qui est lancée par le festival aux auteurs de proposer comme ça des planches. Oui, mais dans le fond, depuis 3 ans maintenant, on a développé un programme journal, donc vraiment quelque chose qui, en plus de présenter la programmation de l'événement, offre une vitrine pour des auteurs de bande dessinée québécoise principalement. Donc cette année, il y a quelques auteurs étrangers qui ont participé, mais on lance un appel comme ça à chaque année pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir des planches. Donc il y a du contenu original, il y a des choses qui ont été faites spécifiquement pour le journal, et il y a aussi des extraits de bandes dessinées récentes, donc qui sont sortis au courant de l'année. Donc, dans le fond, un beau portrait de ce côté-là. Oui. On le met dans la liste d'argumentaires. Peut-être d'abord, regard sur les invités cette année au festival. D'emblée, une grosse présence étrangère féminine cette année. Mais en général, au niveau des auteurs qui vont être présents cette année, il y a plusieurs femmes. Donc, on parle de près de 15 auteurs femmes, ce qui est pour le festival peut-être une première. On a autant de femmes présentes. La bande dessinée a été longtemps considérée comme un médium d'hommes. Et les femmes prennent de plus en plus de place, tant comme auteurs que comme lecteurs. Donc, on a voulu refléter ça par certains invités. Au niveau des auteurs européens, il y a quand même 3 femmes qui comptent parmi notre dizaine d'auteurs présents, d'auteurs étrangers présents. Donc, on parle de Pénélope Bagieu, qui est quand même une des stars de la bande dessinée française au féminin. Marzena Soa, qui est la scénariste de Marzi, donc son histoire qui est diffusée dans le journal de Spirou. Sinon, ben Capucine qui travaille aussi avec son conjoint Libon, mais qui a fait des albums sur sa grossesse, sur différentes choses. Donc c'est des auteurs assez intéressants à découvrir durant le festival. Et au niveau québécois, ben on a Boom, India Desjardins, Fanny Britt, Iris Vianne et les autres. Donc ça fait quand même une belle communauté d'auteurs femmes qui vont être présents. Oui, et tout ça, en fait, c'est toujours intéressant d'emblée pour les spectateurs, dans le fond, les lecteurs, d'aller à la rencontre des auteurs. Et j'imagine aussi que ça doit être agréable pour les auteurs d'avoir des occasions comme ça de se rencontrer, de se côtoyer. Il y a une double utilité à la présence de tous ces gens-là. Là. Oui, ben c'est une des volontés du festival depuis longtemps, dans le fond, d'être un des points de rassemblement annuel pour la communauté des auteurs. Donc, on a plus de 80 auteurs qui vont être présents, autant des auteurs très reconnus que des auteurs émergents. Donc, pour nous, c'était important de créer des occasions de rencontre entre ces auteurs-là. Et on va chercher à chaque année une dizaine d'auteurs étrangers. Cette année, on va avoir 10-12 auteurs étrangers présents. Ça permet justement de créer des liens, des fois, avec des auteurs soit de développer des projets, mais aussi de rendre compte de certains projets qui ont déjà eu lieu. Par exemple, on a Marc Bourgne, qui est un auteur français qui a fait entre autres la série Barbe Rouge, qui a repris récemment la série Michel Vaillant, mais qui a été scénariste pour Été 63 de Voreau. Donc, pour nous, c'est important de d'amener Voreau aussi pour justement rendre compte de la collaboration qu'ils ont eue. On l'avait déjà fait avec Thierry Gloris et qui a collaboré avec JF et Jacques Lamontagne et tout, mais là, c'était intéressant de le faire pour Marc Bourgne. Oui, en même temps, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir montrer comme ça des collaborations qui ont bien fonctionné entre Outre-mer et ici. Donc, grâce aux technologies, évidemment, il reste, ça rend beaucoup de choses possibles. Oui, puis c'est des occasions de rencontre entre ces deux auteurs-là qui sont pas arrivés si souvent. Je veux dire, les gens collaborent via Internet, donc se voient pas nécessairement souvent, peut-être une fois par année. Encore là, faut qu'un des deux se déplace, ce qui est pas toujours le cas. Donc, pour nous, je trouve ça bien intéressant de pouvoir les réunir ici. Là. Ça va être des belles occasions de rencontre, surtout que ils vont participer ensemble à des rencontres d'auteurs au Salon du Livre, les séances de dédicace, aussi table ronde. Donc, ça va être une belle occasion de voir comment ils ont fonctionné. Et justement, qu'est-ce qui domine un peu dans la sélection des auteurs qu'on choisit d'inviter? Est-ce qu'on y va beaucoup avec les sorties récentes, avec l'actualité un peu à travers ça, ou c'est des choix un peu des coups de cœur, un peu des deux? Oui, mais au niveau des auteurs québécois, nous, on mise vraiment sur les auteurs qui ont sorti dans l'année, dans les deux dernières années. Donc, les auteurs que les éditeurs vont vouloir faire venir lors du Salon du Livre et lors de notre événement. Et nous, on complète au travers de ça la liste. Donc, au total, ça fait quand même pas mal de monde, près de 70 auteurs québécois. Au niveau des auteurs étrangers, ben on y va soit sur des coups de cœur, sur des sorties récentes, sur la popularité de certains auteurs ou leur disponibilité. Donc, à chaque année, c'est un peu un travail de longue haleine, dans le fond, d'essayer de recruter les auteurs. Et cette année, ben, on est sur une année de découverte, donc des auteurs peut-être un peu moins connus ici, mais qui méritent vraiment de l'aide, puis qui ont une bonne notoriété en Europe. Exactement, mais ne serait-ce que, par exemple, dans des journaux comme Spirou, il reste à être publié là, c'est pas rien. Et Pénélope Bagieu, ben, tu l'as dit, elle roule beaucoup en Europe aussi. Oui, ben, Pénélope Bagieu, je disais récemment qu'elle avait eu jusqu'à 60 000 visiteurs sur son blog par jour, ce qui est énorme. Je dirais, elle est partout en France. Elle a été dans une capsule de Bref, qui était la web-série super populaire. On en entend beaucoup parler en Europe. Ici, peut-être un peu moins, mais ses albums viennent d'être réédités chez Delcourt et c'est vraiment de mieux en mieux distribué. Donc, je pense qu'elle va, elle va bien faire sa marque ici. Oui, puis en fait, en même temps, c'est un bel hasard aussi dans la mesure où La Page Blanche est en nomination au BDS Causa et c'est un livre auquel elle a participé avec Boulet, exactement. Donc, c'est un hasard total. Je veux dire, le jury est complètement indépendant par rapport aux invités donc du festival. Donc, oui, j'étais bien content de voir ça. Je veux dire, si on regarde aussi La Célibataire de Nydia Desjardins, qui est dans la même veine que ce que fait Pénélope Bagieu, mais on a organisé durant le festival des rencontres justement entre deux auteurs femmes, donc histoire d'auteur qu'on a appelé ça. Et Nydia Desjardins va rencontrer Pénélope Bagieu sur scène. Boom, Stéphanie Leduc, Capucine et tout ça, tout le monde va participer à ça pour justement avoir deux visions différentes du parcours des femmes dans la bande dessinée. Là. Oui, des expériences croisées, puis voir en fait soit si c'est très divergent ou au contraire si du Québec à la France d'auteurs qui s'établissent à d'auteurs bien établis, s'il y a des convergences à faire. Là. Puis encore là, c'est l'idée de créer des rencontres. Donc on souhaite qu'il y ait des fois il y a des amitiés déjà existantes. Tu sais, on parle de Capucine qui est amie avec plusieurs auteurs au Québec, mais des fois de créer des liens qui vont aller au-delà du festival et qui vont amener d'autres choses plus tard. Là. Et parallèlement aussi, ça amène au volet festif, je pense, du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, parce que Thomas-Louis Côté, c'est pas seulement des dédicaces, c'est pas seulement au Salon du Livre non plus. Vous envahissez un peu la ville, et notamment les institutions muséales de la région. Et je pense d'emblée, quand je parle de festif, mais au Musée de la Civilisation, je pense que ça devient presque une tradition les vendredis et samedis d'avoir quelque chose qui groove, là. Ben, on a débuté ça l'année dernière, lors du 25e, d'organiser une soirée avec DJ le vendredi soir. Donc, cette année, on réitère la chose. Ça avait été très populaire l'an dernier. Donc, cette année, on fait une soirée cosplay. Donc, en lien avec l'expo manga qui est présentée dans le réseau des bibliothèques. Et je te fais tout de suite faire une parenthèse, Thomas-Louis, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le cosplay, en quelques mots. Ben, le cosplay, dans le fond, c'est une tradition japonaise où les gens vont se rassembler, faire des concours et tout, déguisés dans leurs personnages favoris de manga ou jeux vidéo. Bon, ici, on se tiendra pas nécessairement uniquement au manga, jeux vidéo. On y va largement, donc personnages de dessins animés, personnages de bande dessinée aussi. On veut que les gens viennent déguisés. Il va y avoir un concours sur place, il va y avoir de l'animation, des DJ. Donc, tout pour avoir du plaisir. Et une invitée spéciale, Marie-Claude Bourbonnais, qui va être là, donc une cosplayeuse professionnelle. Qui est dans Heroes of the North aussi. Qui est dans Heroes of the North, mais qui parcourt le monde, invitée pour participer à des soirées cosplay. Donc, elle va être à Québec pour le festival, pour la soirée, comme juge invité. Donc, ça va être... Parce qu'il y aura un prix du meilleur costume. Bien évidemment. Ouais. Et donc ça va être une belle grosse soirée où ça va être l'occasion de rencontre justement pour le milieu, mais aussi pour les gens qui voudront venir participer, se déguiser. Ça va être, il y a de la place amplement dans le nouveau hall du musée, donc ça vaut la peine de venir. Et c'est pour toute la famille. Je veux dire, ça commence à 8h, donc vous pouvez venir faire un tour dès 8h pour, il va y avoir de l'animation. Et j'ai envie de dire, en fait, si ce n'est d'aller voir les costumes, exact. En soi, ça vaut la peine. C'est habituellement hallucinant ce qu'offrent les cosplayers, et c'est une discipline qui se développe là, au fil des années. Là, donc, les gens mettent énormément de temps à préparer leur costume. C'est pas juste de se déguiser en Oui Charlie avec un costume rapide. On voit des gens qui ont passé des heures et des heures à se construire des costumes de Halo, par exemple, et d'autres personnages. Et Thomas Louis, je m'enquiers de manière intéressée, si on peut dire, puisqu'on collabore ensemble sur la Ligue québécoise d'impro BD. En fait, le samedi, là, c'est le retour d'un mini-tournoi d'impro BD, mais deux fois de l'impro BD dans la journée au musée. Là. Exactement. Donc, on l'annonce en primeur aujourd'hui parce qu'on l'a su ce matin que c'est une activité le samedi après-midi, donc à 2h au Musée de la Civilisation avec les gens de Lyon BD. Donc, Lyon BD, avec qui on avait développé une collaboration l'an dernier, reviennent cette année en force. Deux dessinateurs, deux comédiens et un animateur qui vont se joindre sur scène à deux comédiens québécois, deux dessinateurs québécois et... un animateur qui est dans la salle présentement, pour présenter une histoire de bande dessinée improvisée. Donc, pendant une heure et quart, il va y avoir une improvisation qui, au final, va résulter en une bande dessinée. Donc, quelque chose d'assez inédit. C'est gratuit, c'est au Musée de la Civilisation à 2h. Ça va être rediffusé en direct à Lyon. Donc, quelque chose qui va être très intéressant, avec musiciens live, bien sûr. Et ça, donc, c'est gratuit, c'est à 14h le samedi. Exactement. Et ça se retrouve pas pour le moment dans la programmation, ça va l'être mardi. C'est ça, bon, on vient de le dire. C'est en primeur, c'est une primeur absolue que vous venez d'avoir là, chers auditeurs, auditrices. Et Thomas Louis, ça se poursuit. Donc, on vient pour l'impro BD à 14h, on a une pause pour le souper, il y a le mini-tournoi juste après. Oui, donc, dès 20h, dans le grand hall du musée, revient le mini-tournoi d'impro BD. L'an dernier, on était près de 250 sur place pour apprécier le spectacle. Cette année, on espère avoir plus de gens. C'est vraiment une soirée enlevante, un rythme très rapide, quelque chose de bien le fun. Donc, plusieurs comédiens, plusieurs dessinateurs, des dessinateurs invités d'Europe qui vont participer également. Donc, pour ceux qui fréquentent déjà la Ligue d'impro BD, c'est un concept un peu différent, mais ça va être complètement intéressant. Et pour ceux qui ne sont pas encore venus à la Ligue d'impro BD parce que c'est le dimanche soir, là, c'est samedi, il n'y a plus vraiment d'excuses. Alors ça, c'est le samedi au Musée de la Civilisation. Et Thomas-Louis, autre musée aussi avec lequel vous collaborez au festival pour la première fois cette année, je pense, c'est le Musée national des Beaux-Arts. On avait collaboré avec eux pour Guy Delisle, à la venue de Guy Delisle cet été, où il y avait eu une conférence au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts du Québec. Cette année, on réitère une collaboration avec eux pour le festival et avec Antitube. Donc, dans la série Les Grands Créateurs, il va y avoir la projection du film Le Veilleur, qui parle d'un auteur franco-cambodgien. Et ça va être précédé d'une prestation inédite en 5 à 7 de Francis Desharnais et Fred Lebrasseur, donc du dessin improvisé musical. Donc la thématique impro BD revient sous différentes formes durant le festival, mais c'est vraiment quelque chose, la performance de Fred et de Francis va vraiment être particulière. Oui, surtout qu'en fait, eux ont pu se développer une chimie au fil notamment de certaines collaborations via Burkett en direct, je pense. Burkett en direct, je pense à l'année dernière notamment. Ils ont aussi fait d'autres prestations à d'autres moments. Et il explore vraiment la collaboration entre l'illustration et la musique, ou même le bruitage, parce que Fred Lebrasseur, qui est percussionniste, amène toutes sortes de sons et joue avec la sonorité même du crayon à certains moments. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et Thomas Louis, il y a un autre truc aussi qui m'intrigue dans la programmation, c'est le conte, un conte mis en musique, en fait une projection d'un conte mis en musique. Oui, donc Julie Delporte, qui est une auteure de bande dessinée de Montréal, a sorti récemment à la courte échelle un livre jeunesse qui s'appelle « Je suis un raton laveur ». Donc, on a décidé de prendre cet album-là, qui est super cute, et de le transposer en projection avec une trame sonore qui va être jouée en direct par des musiciens. Donc, une trame sonore plus jazz. Donc, au Cercle le dimanche, parce qu'au Cercle, on fait des brunchs dessinés le samedi et le dimanche. Samedi, ce sera Front Froid qui va être là pour animer et jouer avec les gens présents pour les amener à dessiner et tout ça, projeter en direct encore là sur les écrans. Mais le dimanche, c'est le conte illustré mis en musique, donc par des musiciens sous les images de Julie Delporte, qui va être également sur place et qui va travailler avec les enfants pour dessiner des images en lien justement avec le conte qu'elle a fait. Et autour de ça, en plus, en fait, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, il y a toujours des expositions. Il y a dans les réseaux des bibliothèques, il y a aussi, en fait, une expo. Et ça, j'ai bien hâte de voir, parce qu'on à l'émission, on a parlé, donc, avec Guy Delisle, on a parlé de Guy Delisle et de ses croquis qu'il a fait l'été dernier, en juillet dernier, à Québec. Et on les a vus en version virtuelle, mais là, on va pouvoir les voir sur papier. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'établi? Donc, Guy Delisle a fait sa résidence cet été au mois de juillet à Québec et a travaillé dans un carnet, donc pris énormément de croquis de la ville. Il en a effectivement mis plusieurs sur son blog suite à sa présence. Nous, on a réussi à avoir l'intégrale à peu près des croquis qu'il a fait et on va les agrandir, les imprimer sur papier et les diffuser à l'établi. Donc, du 10 au 21 avril. Donc, les gens vont pouvoir venir du mercredi au dimanche pour venir voir justement ce que Guy Delisle a fait comme croquis de Québec. Québec sous son œil, dans le fond. Exactement. Et sous l'œil, dans le fond, de quelqu'un qui a grandi ici et qui est revenu ici pour... Ouais, redécouvrir sa ville et revoir, par exemple, l'endroit de son premier travail, redécouvrir le vieux Québec et tout. Il y a des choses superbes qu'il a fait. Oui, en même temps, en fait, j'ai presque envie de vous renvoyer un peu à l'entrevue qu'on avait réalisée avec lui où il explique vraiment sa démarche d'observateur et d'observation et d'avoir ça en tête quand on observera les œuvres, je pense que ça peut également donner un éclairage additionnel sur le regard qu'il est capable d'avoir sur les villes qu'il visite. On le voit aussi dans ses chroniques, mais c'est vrai, ça, j'ai presque envie de dire que c'est un travail d'orfèvre. Oui, pis c'est drôle de voir comment il y a des angles de vue qui sont vraiment des choses que... Tu sais, on voit les dessins... OK, là, c'est là, je l'avais pas remarqué, mais c'est des angles de vue inédits dans le fond de certains endroits. Je trouve ça, moi aussi, très intéressant. Et parallèlement, dans les bibliothèques, je te mentionne quelques-unes des expositions. Tu pourrais nous en dises quelques mots, notamment, il y a Passion Rougemanne de Philippe Girard au Collège des Jésuites. Collège des Jésuites, voilà. Oui. Donc, Passion Rougemanne, qui est... on présente les planches que Philippe Girard avait fait durant le printemps érable avec son super-héros engagé Passion Rougemanne. Donc ça a été diffusé sous forme de auto-publié dans le fond par Philippe. Là on a décidé de les présenter en exposition, comme ça permet de les voir tout d'un trait et de les revoir, parce que la publication a été épuisée très rapidement lorsqu'il l'a fait. Oui, c'est un sujet qui a d'ailleurs beaucoup influencé les BDistes, donc j'imagine que c'est un peu incontournable d'avoir un clin d'œil à toute la frénésie BDS autour du printemps érable. Oui, ben je me souviendrai, il y a eu la manif de Bonhomme, donc ça on en parle dans le programme du festival justement, mais en termes d'exposition, c'était effectivement important de faire un petit clin d'œil à ce mouvement artistique qu'il y a eu durant la crise du printemps dernier. Et à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, c'est une rétrospective de planches de Gieff? Oui, donc Jean-François Bergeron, ou Gieff, est un créateur qui est quand même très prolifique à Québec. Donc nous, on revient un peu sur sa carrière en présentant ses différents projets, les séries qui sont nées sur sa table à dessin. Donc encore là, vous allez voir des dessins d'une précision incroyable, des très belles choses. Et ça, c'est toutes des planches originales dans le fond qu'on va présenter. Donc ça va être une belle occasion de voir des choses qui sortent rarement des ateliers des auteurs. Et de voir les planches, une parenthèse en fait, voir les planches dans un autre contexte que l'album, ça amène, je pense, un autre regard et une autre lecture sur ces planches là. Oui, parce qu'on s'attarde beaucoup plus à certains éléments qui sont mis en exergue. Donc ça permet vraiment de voir la qualité du dessin à la base et de voir que c'est pas nécessairement tout un travail qui est fait à l'ordinateur. Et à la Bibliothèque de la Canardière, c'est Yann Fortin avec sa série Bonnie. Oui, ben Bonnie qui est une belle série de la maison outaouaise Première Ligne. Donc, une superbe série jeunesse. Donc, on présente des extraits de la série pour la faire découvrir aux jeunes de la bibliothèque. Et parallèlement, il y a aussi, et ça c'est encore là, ça rajoute aux expositions, il y en a quelques-unes chez des commerçants de la rue Saint-Jean, et ça c'est une nouvelle collaboration aussi, je pense. Oui, mais le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, qui est très, parce qu'il y a une proximité dans le fond de nos activités au centre des congrès, nous ont approché pour qu'on collabore avec eux, donc on a développé un parcours d'exposition, donc il y aura quelques expositions, Copinet-Copineau, Le Bob, il y aura Fred Jourdain aussi, il y a une fresque chez Séraphin, il va y avoir une autre fresque qui va être au Sacrilège, il y a des activités avec l'autocar, il va y avoir du dessin en vitrine, donc il y a vraiment plusieurs activités qui ont été développées pour animer en bande dessinée le quartier Saint-Jean. Donc c'est intéressant, en fait c'est vraiment l'idée d'avoir un événement qui est, et j'ai l'impression que c'est un peu ça quand on en parle chaque année comme ça, Thomas-Louis Côté, que ça devient un événement qui est de plus en plus tentaculaire en fait, qui essaie de sortir de plus en plus de l'espace du Salon du Livre pour s'étendre à travers la ville. Oui, ben c'était une de nos volontés au départ, je veux dire, de pas s'encloisonner uniquement dans le Salon du Livre pour différentes raisons, mais je veux dire, au-delà de la vente des albums, des dédicaces et de tout ce qui est table ronde, rencontre d'auteurs, c'est-à-dire la possibilité offre la bande dessinée offre de nombreuses possibilités qu'on peut exploiter, mais difficilement dans l'enceinte du Centre des congrès. Donc, ça permettait d'avoir beaucoup d'expositions, d'aller à l'extérieur, de développer des animations comme l'impro BD, des choses en soirée, des choses dans les bars et tout. Dans le fond, on veut que la ville de Québec soit habitée par la bande dessinée pendant quelques semaines. Et comme le Salon du Livre se limite à 5 jours, donc du 10 au 14 avril, de pouvoir sortir du Salon du Livre nous offre des possibilités d'animer la ville en bande dessinée tout le long du mois d'avril. Mm-hmm. Donc les expositions, il y en a une qui a commencé le 3 mars. Sinon, ça commence vraiment à partir du 1er avril où là, il y a des expositions jusqu'au 12 mai. Pendant près de 2 mois, il va y avoir des expositions bande dessinée à cause du festival, ce qui est quand même très intéressant puisque un événement cloisonné à 5 jours ne nous permettait pas de faire. Mm-hmm. Et tout ça, dans le fond, dans l'optique, justement, d'inviter les gens soit à plonger dans le 9e art si c'est pas déjà fait, soit à se l'approprier autrement ou à faire des découvertes hors des champs de lecture qu'on s'est donné ou qu'on a eu l'occasion de faire. Parce que, je veux dire, je pense que dans les auteurs que tu nous proposes à chaque année, il y en a une partie qu'on connaît, il y en a une partie qu'on découvre aussi. C'est un peu incontournable. C'est ce qui est intéressant d'un événement comme le nôtre, c'est d'amener les gens à découvrir. Donc, si vous venez au Salon du Livre dans nos espaces, je veux dire, les libraires vont être là pour vous présenter un peu ce que les invités font. Ça va être l'occasion peut-être d'avoir des coups de cœur sur certains auteurs que vous n'auriez pas nécessairement approchés en bibliothèque. Dans le cadre du festival, ça va être l'occasion justement. Moi, je vous mettrai au défi de venir vous acheter un album que vous ne connaissez pas simplement pour le découvrir, ou en vous laissant conseiller du moins pour trouver quelque chose qui est plus dans vos cordes là, mais de venir découvrir un auteur. Et en même temps, c'est toujours un peu, j'imagine qu'il y a toujours une certaine réserve qu'on peut avoir quand on a l'auteur face à nous et de sans nécessairement le connaître, d'aller vers lui, d'aller dialoguer avec lui. On dirait que c'est pas toujours facile de casser la glace, mais les auteurs sont là pour ça dans le fond aussi. Exactement. Donc, les auteurs qui sont en dédicace sont là pour rencontrer leur public. Au-delà du dessin et de la signature, je pense que le plaisir, c'est d'avoir un retour de la part du public sur leurs albums, de discuter, de prendre leur pouls de leur lecteur. Prenez le temps d'aller les voir, je pense que ça leur fait très plaisir. Puis justement, si ça vous permet des fois de découvrir la personne au-delà de l'album, ça va peut-être vous faire aimer encore plus leur livre. Là. Alors donc on aura 5 jours donc pour faire cette exploration-là, donc du 10 au 14 avril. Et encore plus à l'extérieur avec les expositions et les autres activités. Mais donc 5 jours pour venir profiter du festival, vous en aurez, vous en aurez pas trop. Non, puis si on décide de tout faire, ben là, on prend congé parce qu'il y en a énormément. En fait, ça doit être, en fait, j'imagine que c'est là d'où le marathon aussi de préparation, mais également pendant l'événement, si ce n'est pour voir un peu comment tout se déroule côté organisation, ça doit être. Oui, mais faut s'assurer que tout roule. Je veux dire, on a le nombre d'auteurs présents implique une certaine logistique au niveau des de l'accueil et tout. Donc, c'est sûr que je suis peut-être pas la personne qui va en profiter le plus du 10 au 14 pour aller aux activités, mais reste que je suis très content de pouvoir offrir ça là, aux gens de Québec. Alors en fait, je rappelle, pour plus d'informations, c'est www.fbdfq.com. Également, ben, y a la programmation imprimée qui est disponible un peu partout. Elle est disponible un peu partout, mais sinon, si vous écoutez et que vous n'êtes pas nécessairement de Québec, sur le site du festival, vous avez un lien pour regarder sur Internet directement le programme en entier, donc le feuilleté comme un livre sur Internet. Donc, c'est peut-être une autre alternative qui vous permettrait permettrait même dès maintenant d'y aller pour avoir les informations. Et voir les BD. C'est une très belle chose. Hein? Thomas-Louis Côté, donc directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci. Merci à toi. Et bon festival. Alors ben donc voilà, regarde donc sur cet événement qui, je rappelle, s'en vient donc du 10 au 14 avril. Nous on prend une courte pause et on poursuit avec cette édition de La Vie en BD. Le Radioton spécial 40e anniversaire de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le Bal du Lézard. Ici Jean-Paul Lallier, président d'honneur du 40e anniversaire de CKRL. Comme à chaque année, CKRL aura son radioton pour trouver les financements nécessaires qui lui permettent de continuer à se développer dans la liberté et au service de la grande communauté de Québec. Ne manquez pas cet événement les 5, 6 et 7 avril prochains. 40 000 $ pour 40 ans de beaux services à la communauté. Vous êtes graphiste ou artiste émergent de la Ville de Québec? Du 1er mars au 1er avril, la mesure Première Ovation vous invite à relever un défi créatif de taille. Proposez une nouvelle affiche pour Première Ovation. Proposez-nous des concepts novateurs et audacieux. Et courez la chance de devenir le visuel officiel de Première Ovation et de voir votre création diffusée à la grandeur de la ville. En plus, il y a 2500 $ en prix. Pour savoir comment, consultez premièreovation.com et soumettez-nous vos concepts avant le 1er avril. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? Hein? Bonjour, ici Pierre Vanchonfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soulfinger. À 19h, Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. En vous rappelant que vous pouvez aller nous suivre également via le site de socialisation Facebook au www.facebook.com/La Vie en BD si vous voulez suivre un peu nos activités, nos menus d'émission et le reste. Et les activités également du milieu bédéesque de Québec. Alors voilà pour cette petite parenthèse. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie d'Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et enfin, on parlait du festival avec Thomas-Louis Côté juste avant la pause. J'ai presque envie de faire une petite parenthèse avec toi également. Il y a l'exposition Retrospace, évidemment, qui va être présentée dès le 1er avril à la librairie Phylactère. Mais également, il y a un lancement aussi qui est prévu pour la fin de semaine du festival. Oui, donc on va recevoir les deux auteurs, Iris et Sviane, pour les bonus qu'elles vont elles-mêmes éditer. Donc ça va être le samedi 13 avril en formule 5 à 7. Et assez intéressant d'ailleurs pour ceux qui ont lu sur leur blog. Donc les bonus valent la peine pour les amateurs de Lost Teacher. Oui, ben en fait je ne les ai pas vus, c'est une surprise. Donc elles vont les apporter directement ici là, le 13, donc ce sera une surprise pour tout le monde. Et si j'en profite pour m'autoploguer également, sans avoir un petit avant-goût de tout ça, elles seront avec nous à La Vie en BD le 12 avril. Donc Iris et Sviane à notre sympathique émission. Alors, on ferme cette parenthèse là et Anne-Marie, on se lance avec des commentaires pour cette semaine. On commence avec un titre qui s'appelle Le singe de Artpool.com. Non, Artpool, je dis n'importe quoi. Artpool. Je ne sais pas d'où vient le point com. Bon. La journée passe. Oui. Donc, le singe de Artpool, c'est un scénario de Wilfrid Lupano et un dessin de Jérémy Moreau. C'est édité chez Delcourt. Alors, pour résumer, on est en 1814, en pleine guerre napoléonienne, dis-je bien. Et on va voir un navire français qui va faire naufrage, en fait, au large des côtes d'un petit village anglais, si nommé Artpool. On va retrouver un seul survivant qui va être un singe, en fait, qui jouait la mascotte sur le bateau et qui va être aussi retrouvé déguisé avec l'uniforme français. Or, les habitants de Artpool détestent les Français, même s'ils en ont jamais vu. Et ce singe correspond bien à l'image qu'ils se font des Français. Alors, une cour martiale va s'improviser sur ce fait. Donc, on joue un peu avec l'animal qui va permettre aux gens de passer un peu leur grief sur une des actions qui avaient été entreprises en lien avec le village. Oui, et puis ce qu'on apprend à la fin de la bande dessinée, en fait, c'est que c'est inspiré d'une légende tristement célèbre qui provient du nord de l'Angleterre. Donc, ce fait divers serait bien arrivé. C'est sûr que pour les besoins de la bande dessinée, on a un peu remanié les faits et bon, ajouté quelques trucs pour l'histoire avec un grand H. Mais ça reste quand même un récit qui est assez assez drôle, mais aussi très navrant de voir toute cette ignorance en fait et ce racisme primaire là. Donc c'est les dialogues sont vraiment très bien, c'est très savoureux. Mais plus on avance dans la bande dessinée, plus on rit jaune là. Puis c'est y a une amertume. C'est assez bien fait. Oui, c'est bien rendu et donc on réussit à rester sur la ligne pour que on puisse apprécier un peu l'histoire sans trop passer de temps à détester les gens qui la peuplent. Oui, tout à fait, parce que tout ça c'est bien amené. Il y a des étapes dans tout ce qui va culminer à un meurtre en fait là, si on peut dire ça. Mais il y a beaucoup de subtilité, de finesse dans le scénario. C'est très bien amené. Le dessinateur entre autres, dont c'est le premier ouvrage qui vient du monde de l'animation. C'est vraiment illustré de manière très convaincante. Les couleurs, à mon avis, là, qui sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de textures, ce que j'apprécie beaucoup. Des fois, je trouve que ça peut être un peu collé quand ça peut avoir l'air plaqué, en fait, alors que là, il y a beaucoup de profondeur dans les dessins. C'est très bien. Alors, à découvrir, autant d'un côté pour le propos qui j'imagine porte à réflexion, à discussion, oui. Autant pour la capacité donc les auteurs ont eu à mettre en dessin et à scénariser tout ça, à rythmer tout ça. Oui, tout à fait, une très belle BD, ça vaut vraiment la peine, puis ce n'est pas une suite, c'est un one-shot, donc voilà, ça se lit très bien. Alors, ça s'appelle Le singe de Artpool, et c'est de Jérémy Moreau et Wilfrid Lupano, c'est chez Delcourt. Et Anne-Marie Olivier, on revient maintenant vers le Québec avec un titre qui s'intéresse à notre histoire musicale et culturelle des années 70, Charlebois et l'Hostie Gang, c'est chez Glénat de Amy Vaillancourt et Bruno Rouillère. Oui. Donc, ce même duo qui vient de sortir un petit peu plus tôt la semaine dernière, Kissinger et nous. Alors, donc, dans Charlebois et l'Hostie Gang, en fait, c'est une fabulation où l'auteur va imaginer la rencontre de Robert Charlebois, Louise Forestier, Mouffe et Yvon Deschamps en 1960. Donc, ces gens qui mènera à l'Hostie Show en 1968. OK, donc c'est un peu, dans le fond, on essaie d'imaginer comment le partenariat aurait pu se mettre en branle une dizaine d'années auparavant. Là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tout est faux là-dedans, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, selon ce qu'on a entendu dans diverses entrevues. Mais c'est vraiment, en fait, on prend cette BD-là comme un hommage à cette époque-là, puis à ses idoles. L'histoire, la vraie, comme je disais, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est surtout que la BD reste proche de l'esprit du groupe à l'époque, puis c'est plutôt axé sur ce qu'ils ont représenté plutôt que ce qu'ils étaient réellement, en fait. Là. Donc, c'est vraiment une BD hommage que j'ai trouvé, ma foi, qui m'a fait bien rire à quelques endroits. Oui, ben, dans le fond, on peut jouer avec beaucoup d'éléments de stéréotypes, une mentalité qui est quand même assez particulière de cette époque-là et qui est ancrée aussi dans notre imaginaire collectif. Donc, on doit proposer des références qu'on reconnaît tous un peu d'une manière ou d'une autre. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que le dessin est assez vivant. C'est un trait, bon, assez enfantin quand même, mais ça convient bien à l'esprit assez bon enfant de la bande dessinée. Personnellement, j'avais une certaine appréhension au niveau des dialogues parce que, bon, on reste en 1960. On a voulu recréer un peu le bon parler québécois de l'époque. j'avais peur qu'on tombe dans la caricature, en fait, puis que ce soit que ça altère vraiment l'originalité du récit. Mais en fait, il a assez bien réussi cet exploit-là. Il a conservé le joual, le québécois parlé, mais de manière assez efficace. On reconnaît bien les accents, en fait, ou les connaissant les personnages. Bon, on les connaît, donc on les a entendus parler souvent, on les a entendus chanter. Alors, je trouve que c'est facile de se faire un peu, de s'imiter leur voix dans notre tête. Puis, assez bien réussi, surtout du côté d'Yvon Deschamps. On connaît tout, bon, son sens de l'exagération. Il l'a bien mis en scène dans cette bande dessinée-là. Quand on le voit, bon, un jeune Yvon de 16 ans, bien sûr, mais on a une assez bonne idée de ce que ce personnage-là va devenir ultérieurement. Là. Donc, une belle fable, en fait, qui donne aussi quand même un certain côté historique là, de ce qui se passait en 1960 au Québec. Et voilà. Donc, de ce que j'en entends de Marie, ça semble donc pas simplement juste un artifice d'avoir choisi d'intégrer des versions jeunes de personnages qui ont marqué l'histoire culturelle du Québec, de les proposer comme ça. Donc, ça dépasse simplement ce petit artifice-là. Et ils ont réussi à faire plus que ce qui aurait pu être simplement un concept qui lève pas, finalement. Oui, tout à fait. Ça aurait pu être vraiment une espèce de récit narré plutôt caricatural. Puis en fait, même les personnages, bon, il y a une certaine ressemblance, mais c'est pas nécessairement clair au niveau du dessin qui est pas tant ressemblant. Donc, outre le fait qu'on connaît les personnages principaux, il n'en reste pas moins que c'est une histoire qui est campée dans un contexte qu'on connaît bien. Puis moi, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Puis c'est sûr que pour les tripeux de musique de cette époque-là, pour les gens qui ont aimé ces artistes-là, allez-y, c'est vraiment vraiment sympathique à lire. Alors, ça s'appelle Charlebois et l'Hostie de Gang. C'est Dami Vaillancourt et Bruno Rouillard. C'est chez Glénat. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. Oui. Bye-bye. Au revoir. Alors voilà donc les commentaires BD d'Anne-Marie Olivier. Et j'en profite également pour vous rappeler, si vous avez manqué le début de l'émission, donc simplement pour vous dire que la semaine prochaine, La vie en BD est en pause et pour une bonne cause, c'est c'est le Radiothon de CKRL édition 2013. CKRL qui fête son 40e anniversaire également à cette occasion-là. Alors une belle programmation qui vous sera proposée. Vous avez tout le détail d'ailleurs sur ckrl.qc.ca. Et également, c'est une occasion où la station et son équipe, font appel à votre générosité, puisqu'on va chercher à peu près, je pense, 10% du budget annuel de la station, donc ça fait quand même une vaste, vaste différence. Et par ailleurs, en fait, j'en profite aussi pour mentionner que si vous faites un don avant le Radiothon, avant donc le 5 avril, 17h, qui sera le coup d'envoi de cet événement-là, eh bien, vous courez la chance de gagner des prix spéciaux, donc soit si vous devenez membre de CKRL, soit si vous faites simplement un don, donc des certificats cadeaux chez Le Pédalier et chez Sillon le disquaire, donc toujours quand même assez intéressant, assez facile de dépenser $150 dans des commerces comme ça. Et nous donc on fera relâche à cette occasion, mais La vie en BD sera de retour donc le vendredi 12. Il faut dire que ce sera un milieu foisonnant au niveau littéraire, et ce qui fait que on aura une émission spéciale à vous proposer donc le vendredi 12 avril prochain. Ça commencera à 17h, donc 1h30 consacrée à la bande dessinée. On aura beaucoup d'invités qui seront de passage, donc Mira Falardeau, spécialiste en manga. On aura Philippe Girard, Iris Svian, Julie Rochelot qui nous a offert le superbe Colère de Fantomas, entre autres invités. Alors, ce sera un rendez-vous, donc ça, le 12 avril. Alors, je ferme mes petites parenthèses et on repart avec un autre extrait de la formation Gober Catholic Pagans. Thank you. Alors voilà, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, formation Gober. Et maintenant, on porte un regard sur une exposition qui s'en vient, qui va commencer lundi 1er avril chez Philactère. Une exposition qui implique Bach, Valérie Morency, Miguel Bouchard et Richard Villeneuve. Ça s'appelle Retrospace. Et donc, science-fiction à saveur rétro, je pense que ça se le dit bien dans le titre. Mais qu'en est-il de plus? Eh bien, pour nous en parler, pour nous présenter tout ça, ben, on est en compagnie deux des artistes qui seront présents. Donc, Richard Villeneuve, bonjour. Allô. Miguel Bouchard, bonjour. Salut. Alors, ben, d'emblée, peut-être, d'où est venue l'idée de s'intéresser à ces icônes de la science-fiction, si on peut dire? Ça a été plus un accident, je te dirais. On s'est parlé un petit peu. Il y avait un expo que Miguel et Bach faisaient à chaque année là-bas, que je laisserai raconter. Puis, sur un instant, comme un pop d'idées, Retrospace. Moi, j'ai été invité à participer avec eux. Puis, depuis, le sujet est resté. Puis, on remarque que dans beaucoup de choses populaires, on en voit vraiment souvent dans des trucs de Pixar, des trucs de DreamWorks. Je pense que tout le monde se reconnaît un petit peu là-dedans. Fait qu'on s'est vraiment amusé à dessiner ce sujet-là. Oui, ben, c'est en fin de compte, c'est un trip d'artiste, étant donné qu'on est plusieurs, il faut absolument que le thème soit au moins inspirant, puis que ça donne un peu comme un défi entre les auteurs à essayer de s'impressionner les uns les autres, mais c'est comme une bonne compétition, en fin de compte. Oui, parce que dans le fond, on se donne, donc le thème, c'est un peu le lien, et après ça, tout le monde y va un peu à sa façon, avec sa technique. On cherche pas d'avoir de pont entre les œuvres, outre justement l'esprit général, le thème, là. Oui, exactement. C'est simplement... Le but, c'est qu'on reconnaisse le Retrospace, mais aussi chaque auteur à l'intérieur de Retrospace, autant dans le sujet que dans le style graphique aussi. T'sais, Valmo, tu vas regarder son stock, tu vas te dire « Ah, ça ressemble à du Valmo », mais en même temps, c'est du Retrospace, c'est la connexion entre tous les auteurs. Puis étant donné que Richard, avant, il avait jamais fait d'exposition... Oui, c'est ma première. Ouais. Ça fait des années que je fais du jeu vidéo, que je travaille en... Je fais des projets pour d'autres, finalement, des SpongeBob, des jeux de Disney. Puis mes amis m'ont dit « Hey, ça sera ton tour, là. Fais des dessins de ton style. Le sujet, c'est tout. Il n'y a pas besoin de satisfaire autre chose que mon trip. » Fait que ça, c'est vraiment... Donc, moi, ça m'a vraiment motivé, là. Juste dessiner, finir un dessin. J'ai comme « OK, j'ai donc meilleur que le monde le voit. » Fait que là, je les cache, là. Ils sont cachés quelque part dans l'appart, là. Mais ça va être assez... C'est comme on se challenge entre nous, mais on s'est tout gardé la surprise. J'ai vu à peine la moitié des petits sketchs que Miguel a fait, des petits débuts des autres. Fait que ça, c'est le côté intéressant d'être à plusieurs dans un expo, là. Oui, effectivement, ouais. De collaborer comme ça, mais de s'auto-motiver d'une certaine façon, à se pousser plus loin, aller jusqu'au bout de ce thème-là dans notre interprétation du thème. Oui, ben ça c'est un, ben moi c'est environ ma cinquième exposition que je fais, si je compte pas ceux que j'ai fait à l'université. Puis j'en fais une à chaque année. Puis l'avantage de ça, c'est que ça te permet de finir quelque chose, même si c'est une trentaine de dessins ou 15 dessins, juste une certaine forme de mise à nu en tant qu'artiste, c'est extrêmement gratifiant. Puis c'est pour ça que j'avais demandé, Richard, qui était mon ancien DA, j'ai dit, hey man, garde-toi, on va pouvoir justement, en tant qu'artiste, tu vas voir que c'est difficile un peu avant à tout produire, mais écoute, tout est produit, puis tu t'exposes, puis tu vois que tout le monde qui regarde, puis qui t'envoie des compliments, puis c'est vraiment le fun. Puis étant donné qu'on est quatre, ben ça va amener énormément de personnes, beaucoup de monde connaît un peu le Philactère aussi, l'ambiance est vraiment excellente, les BD sont bonnes, tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Et si on avait à définir, vous, à présenter la manière dont vous avez choisi, Richard, Miguel, d'aborder ce thème-là. Donc, qu'est-ce que vous a accroché et comment vous avez choisi de l'interpréter un peu à travers votre plume? Ouais. Ben, mon côté, moi, je travaille beaucoup à l'encre. Puis, vraiment à la plume, puis des couleurs, des fois, assez contrastées, vives, puis du délavé. Fait que quand j'ai entendu le thème, j'ai fait, OK, je vais me retrouver, un, dans l'approche artistique. Puis l'autre chose, j'ai plein de dessins que je faisais même à temps perdu qui étaient déjà dans le thème. Fait que déjà là, je m'accrochais, j'étais comme « Ok, cool, des vieilles soucoupes volantes, des personnages de Mars Attack, des bébites que tu comprends pas ce qu'ils font là, mais que des robots avec des bras en laveuse sécheuse. » Tu peux t'amuser, puis on a tous déjà vu ça, les vieilles affiches de films avec les femmes qui ont peur d'une scène que tu comprends pas déjà, avec des annoncellements de fonte qui ont toutes un lien différent entre elles, plein d'erreurs graphiques. Puis là, c'est comme la permission de le faire. Fait que j'ai comme fait, OK, bon, ben, déjà, naturellement, on était proches. Là, c'était officiel, là. Allez, faisons-nous du fun. C'est sûr que Retrospace, étant donné que dans le jeu vidéo aussi, il y a comme une certaine forme de rétro dans le jeu qui fait que genre Earthworm Jim ou d'autres jeux comme ça aussi, c'est extrêmement rétro. Fait que l'inspiration est là énormément aussi dans pas juste le milieu de la bande dessinée, dans les milieux qu'on travaille, moi puis Richard. Puis aussi, ben, le but, moi, je sais que on me reconnaît un peu à cause que j'utilise beaucoup d'orange, qui est comme une erreur, en fin de compte. Parce que j'ai acheté un crayon orange, mais il était vraiment trop orange. Fait que là, il a fallu comme que je l'use, parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait puis là, t'étais obligé de racheter un autre, finalement. Oui, parce que ça sort bien, là, les contrastes, puis tout. Fait, c'est vraiment intéressant. Fait que j'ai gardé un peu le orange pour cette expo-là. Puis je vais probablement avoir d'autres couleurs prochainement. Mais sinon, mon approche, c'est sensiblement un peu comme Richard, c'est à l'encre. C'est le fun de faire des dessins à l'encre, parce que avec nos travails respectifs, on est tout le temps en train de travailler à l'ordinateur, tout le temps travailler dans le numérique, puis ça fait du bien aussi de revenir sur le plan papier, de revenir au traditionnel, la texture, le grain de la plume ou du crayon, c'est vraiment, vraiment apaisant pour le cerveau de d'être ailleurs que dans un écran. Puis tu peux avoir ça dessiné dans un café ou peu importe le lieu, ça fait du bien aussi de sortir du genre les cloisons là, de l'ordinateur là, avec le... Oui, puis en fait, j'imagine aussi dans la dynamique où quand on pense beaucoup à dessin numérique, on pense à la notion de filet, dans mesure où on n'aime pas un trait et quelque chose qui marche pas, ben on fait CTRL-Z, oui, ça revient en arrière. Tandis que quand on dessine sur papier, ben il y a pas ce filet-là. Au bout du compte, si c'est ta langue puis tu rates ton coup, ben rater, c'est un grand mot. Si ça fait pas ce que tu voulais. C'est plus que tu acceptes ton erreur. Tu te dis, bon, ben ça fait partie du jeu, le prochain sera meilleur. Ou faut que tu acceptes le fait que t'es pas parfait. Fait que c'est simplement de dire, bon, ben, c'est correct. Je sais que son bois est croche, mais le monde ne remarque pas ça. Toi, tu le remarques en tant qu'auteur. Mm-hmm. Puis toutes les BDistes vont se reconnaître là-dedans, là, qu'à chaque fois qu'ils vont voir leur album publié, ils vont dire, ouais, il y a des trucs que j'aime pas, mais ça, je le dis pas. Tu sais, c'est normal. Mais il reste que l'ordinateur te permet vraiment un gabarit de recommencement assez intense. Sauf que t'as le défaut aussi de trop avoir l'obligation de faire de quoi de parfait parce que ton CTRL-Z te le permet, tandis qu'à la main, t'es porté plus à accepter l'erreur comme... Et que ça soit plus brut, dans le fond, à la limite. Ouais. Oui, puis je trouve que ça donne de la valeur aussi aux œuvres parce que, bon, les œuvres sont exposées, mais sont aussi à vendre. Puis si quelqu'un est intéressé, ça fait triper, il me verrait ça dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son salon, il se reconnaît dans le style, peu importe des quatre artistes que nous sommes, il veut, ben, il est le seul à l'avoir. On n'a pas une copie digitale qui traîne quelque part qu'on pourrait réimprimer. Non, c'est la seule et unique. Il y a pratiquement tellement des traces de sueur dessus si on était stressé pendant qu'on dessinait à l'encre pour pas faire d'erreur ou des ronds de café. Mais ça donne justement un peu de vie cachée à travers l'œuvre. Puis moi, je trouve que des fois, ça manque un peu l'impression. Pour un album, quand une distribution, ça va. Mais pour des œuvres en exposition, je trouve que c'est vraiment quelque chose... nécessaire presque. Et Richard Villeneuve, Miguel Bouchard, vous l'avez mentionné, en fait, vous travaillez dans l'animation. Est-ce que le fait, justement, de ce travail-là vient un peu influencer, apporte son impact, si on peut dire, sur la manière dont vous dessinez? Oui, on travaille pas en animation, c'est plus dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, mais moi, travaille dans plus les, on appelle ça du concept art. C'est un artiste de concept. Puis c'est sûr que ça amène des différences au niveau... l'un apporte un avantage par rapport à l'autre. Quand tu dessines à l'ordinateur, tu apprends certaines techniques. Parce que quand tu reviens à la main, tu apprends d'autres techniques. Tu pousses certaines idées, certaines techniques. Après ça, tu les explores à l'ordinateur. Tu fais un certain va-et-vient comme ça qui fait que tu évolues beaucoup plus rapidement parce que tu ouvres ton esprit à des nouvelles techniques et non te renfermer dans une puis rester contraint dans la même technique. La seule chose que ça fait, c'est que tu te perds un peu dans 2 millions de styles. Ce que Richard puis moi, Bout, on est forcé à toujours imiter les styles des autres. Fait que tu te perds un peu Tu travailles en équipe, tu te retrouves dans une situation où on est... même si tantôt je parlais de faire un jeu pour Bob l'éponge, mais je ferais un jeu avec une équipe. On est 20. Il y a 7-8 programmeurs. Il y a 6-7 artistes. Si on prend le style d'un des artistes, tout le monde se tourne puis apprend son style pour faire un jeu qui est cohérent. Fait que pendant, ça va faire 12 ans que j'en fais, fait que ça fait 12 ans que on marche en équipe, on marche en une unité. Donc, le style propre à moi-même, je me confronte à moi-même justement en le faisant. C'est comme, ok, que je ferais un personnage là, mais je voudrais pas que ça a l'air des Simpsons, je voudrais pas que ça a l'air de Disney. Je voudrais me reconnaître moi aussi à travers ça, puis je voudrais que les gens fassent, ok, ça c'est du Richard. C'est le défi que j'ai proposé à Richard, c'est pour ça que j'ai demandé de faire une exposition. J'ai dit, c'est le fun de te confronter à toi-même, puis de dire, bon, ok, là, je le fais, parce que là, j'ai plus le temps, je peux plus recommencer, je sais pas c'est quoi mon style, tu vas voir, un moment donné, il va couler tout seul, puis il va sortir. Mais en même temps, j'imagine que ça va être super formateur aussi, justement, de dire, bon, ok, il faut que tu imites le style de d'autres, puis il y en a là-dedans aussi, je veux dire, on parlait de certains des dessins et séries qui sont assez populaires, mais qui ont un style défini, puis qui ont parfois aussi un style assez complexe, à certains degrés. C'est une très bonne école, comme ça, parce que en jeu vidéo, t'as énormément de c'est précis. À telle date, il y a un livrable, le produit, il faut qu'il soit fini. Donc, j'ai pas le temps de penser. Penser, ça te met en retard. Fait que si tu travailles, tu sors ton dessin, ça OK, go, go, go. Ce qui est efficace, c'est que tu fais tes recherches vite, tu t'en vas sur Internet, tu tapes tes recherches. J'ai fait un jeu pour petites filles d'équitation. Puis aujourd'hui, je connais l'équitation. J'ai aucune idée c'était quoi les compétitions. Fait que tada, et voilà. Fait que ça te met dans d'autres bassins que tu t'y connais pas. Et dans une autre circonstance, j'ai eu à dessiner des chevaux. Ben voilà, je l'avais appris dans un contexte de produit qui était totalement pas mon style. Puis dans un autre projet, je faisais des trucs avec des chevaliers, puis c'était super cool. Mm-hmm. Ah, là, j'avais appris d'un à l'autre, et comme vous disiez tantôt, c'est très ça. Formateur. Puis après ça, ben comme disait Miguel, ben l'idée, c'est d'à travers ça, ben d'essayer de te donner des opportunités pour te développer ta plume à toi. Puis ça, si on le fait pas, ben c'est qu'éventuellement, c'est un peu sauter dans le vide aussi, accepter d'être confronté à qu'est-ce que moi je suis capable de faire quand je crée pour moi. Puis Oui, faut toujours aussi, ben moi c'est un exercice, c'est pour ça que je fais une exposition chaque année, parce que ça fait que tu te perds pas dans un domaine de style des autres. Tu gardes ton style quand même, tu gardes un peu ton dada, c'est quand même une petite flamme qui est à l'intérieur de toi qu'il faut quand même chérir puis entretenir, parce que le dessin, c'est quelque chose, tant qu'à moi, qui est très personnel, mais très aussi public, parce que tu montes tes dessins, tu peux pas le montrer à ton tiroir, il veut pas te dire que c'est cool, t'sais. Fait que faut absolument que tu te livres aux autres, pis t'as comme une certaine forme de mise à nu, fait que faut quand même que tu te permettes de dessiner. Fait que ce qui est le fun aussi, c'est moi, Richard, souvent, outre l'expo, on se rencontre souvent, on va juste dessiner ou triper dans un café, simplement pour, en tant qu'artiste, tu sais, tu t'échanges, tu parles, tu dessines, puis il y en a beaucoup d'artistes qui font ça, juste se regrouper pour dessiner, parce que c'est le défaut d'être artiste, c'est que t'es souvent seul dans ton coin à travailler avec ta table. Et donc, on peut découvrir, ben, justement, qu'est-ce qu'en est ressorti de ce désir-là, justement, de développer son dessin, d'explorer un thème aussi. Donc, Retrospace, du 1er avril au 1er mai. Et il y a le lancement, en fait, le vernissage qui, lui, va être pendant le festival, le 12 avril. Oui, exactement. Donc, c'est à partir de 17h jusqu'à ad hoc. Les quatre auteurs. Soif, comme on dit. Ouais. Les quatre auteurs vont être là. On va pouvoir échanger, parler, déconner, faire tout ce qu'on veut. C'est dans tous les bons vernissages, là. C'est. Alors, je le rappelle, en fait, l'exposition est avec Valérie Morancy-Valmo, Bach, Estelle Bachelard, également donc Miguel Bouchard et Richard Villeneuve. Merci à vous deux. Ah ben merci. Merci beaucoup. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. Alors, on se retrouve le 12 avril, nous aussi, dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec pour une émission spéciale au Centre des congrès. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous et passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.